Cours numéro 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Sa'di rahimahullahu ta'ala wa min barahin wahdaniyatillahi ta'ala wa karamih ma yukrimullahu bihi al-wasilin li-arhamihim al-muhsinin ilal-muttarrin wal-muhtajin wa khalafuhu al-ajil lahum نفقاتهم وتعويضه لهم من جوده وكرمه وفتحه لهم أسبابا وأبوابا من الرزق بسبب ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب صحيح أن هذا برهان واضح أن celui qui fait du bien قوله الواصلين لأرحامهم c'est une cause de bien كما جاء في الحديث أن c'est une cause pour que Allah سبحانه وتعالى prolonge la vie du عبد كذلك أن celui qui fait du bien qui aide les autres فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي celui qui aide les autres Allah سبحانه وتعالى il l'aidera il lui facilitera celui qui cache les péchés des autres Allah سبحانه وتعالى il lui cache les siens يوم القيامة tout cela ça nous montre أن Allah سبحانه وتعالى il existe Il est unique, c'est le créateur. Et bien sûr, c'est celui qui mérite l'adoration. قال وقد علم الخلق المتأملون تأمل هذا القيد المتأملون C'est pas tout le monde qui comprend ces choses. المتأمل إذا وفقه الله سبحانه وتعالى il pourra comprendre beaucoup de choses. المتأمل c'est l'opposé de الغافل. الغافل c'est l'insouciant. Beaucoup de choses qui se passent autour de lui et il ne réfléchit pas. Barbanes, tellement qu'ils sont attirés par Dunya, ils foncent, faqat. Alors que l'insan, akramahu Allah subhanahu wa ta'ala, bihad al-aql. Cette raison que Barbanes, souvent ils veulent la mettre en opposition au texte. Alors que l'aql, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé à chaque être humain à la base, al-fitra, en rien ça contredit les textes, ça s'oppose au texte. الذي يتأمل il comprendra هذا ça nous montre quoi ça nous montre qu'on doit méditer on doit réfléchir certaines choses qui se passent autour de toi Akhil Karim c'est un dars énorme tu dois pas prendre des fawaïd que des doros que tu fais le ilm هذا bien sûr c'est la base c'est important لكن essaye كذلك de tirer profit de ce que tu vois ton expérience de ce que les autres y vivent فالذي يتأمل قال وقد علم الخلق المتأملون أن سبب ذلك تلك الأعمال الصالحة والصلة والإحسان والمقدمات الحسنة. Pourquoi بعض الناس ils ont beaucoup Allah سبحانه وتعالى il leur facilite لأنهم à la base ils font du bien. Vous avez remarqué que بعض الناس tout ce qu'ils font Allah سبحانه وتعالى يوفقهم. Attention هنا ça veut pas dire qu'ils ont beaucoup. Ça veut pas dire que ils sont pas éprouvés là, lakin Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Dans leur épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Ils tombent malades, walillahil hamd, et ils ne paniquent pas, ils ne désespèrent pas, et ils attendent le faraj min Allah. Qui c'est qui lui a facilité ça? C'est Allah azza wa jalla. Tu trouves une autre personne qui a la même maladie, cette maladie, elle le détruit physiquement et mentalement. C'est quoi la différence? C'est que le premier, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. لماذا لأنه il a fait beaucoup de causes il a fait beaucoup d'efforts فالله il lui facilite كذلك vous avez remarqué que بعض الناس ils ont peu et d'autres ils ont beaucoup et ils donnent ils aident les autres Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne والله الحمد il manque de rien on répète ne pas comprendre quand on parle de ne manquer de rien quantité là il faut parler de baraka il y en a بعض الناس ils ont beaucoup et ils souffrent Ils ont beaucoup et ça leur suffit jamais. Abadallah, ils ont beaucoup, mais cet argent qu'ils ont en d'énormes sommes, elle part dans des choses futiles où Allah il les éprouve à cause de leur mauvaise situation. Il m'a des maladies, l'argent elle part dans les hôpitaux. Il m'a des problèmes, des affaires au tribunal. Il a. Alors là, on parle bien de baraka. Donc ne pas toujours comprendre que ce qui est bien, c'est forcément ce qu'il y a en grand nombre. Abadan. قال ألا يدلنا ذلك أن الله قائم على كل نفس بما كسبت؟ ça ça nous montre أن qui c'est qui a donné à هذا qui c'est qui a facilité à هذا et pourquoi la situation de un tel elle est meilleure que la situation d'un autre Et pourquoi ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui se soumettent et qui suivent un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont à l'aise, ils sont heureux, ils sont satisfaits. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Pourquoi هؤلاء qui se sont écartés du dhikr, qui se sont écartés de la voie droite, du Coran et de la Sunna, لماذا ils sont toujours في قلق, sont jamais satisfaits. Ils ont un haraj dans leur cœur. Ils sont pas à l'aise. Ils sont angoissés. لماذا لِأَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ c'est lui qui gère tout. C'est lui qui guide qui il veut, c'est lui qui égare qui il veut. Ce cœur que chaque être humain y possède, tu ne peux pas le guider avec de l'argent. Tu ne peux pas le mettre à l'aise avec de l'argent. Abedan, tu trouves certains riches, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à dormir. Tu trouves Ba'd al-Mu'minin, ils n'ont rien. Walillahi alhamd, c'est comme s'ils n'avaient aucun problème. Qui c'est qui a mis هذه الطمأنينة dans ce cœur? Et qui c'est qui a mis ce qalaq dans ce cœur, avant qu'on a cité dans le verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hada al-burhan al-azim, ça montre l'existence et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wa anna hada jaza'un mu'ajjal wa thawabun hadir namudajun li thawab al-akhira. Et kadalik Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense fi dunya avant l'akhira. Tu le vois hada, certains font du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il les récompense directement. Alors que le jour dernier n'est pas encore arrivé. Ça montre quoi? Ça montre que c'est un burhan azim, une preuve claire pour le doué de raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. قال وأنواع ذلك وأفراده لا تدخل تحت الحصر. Il y a énormément d'exemples qu'on peut pas dénombrer هنا. قال وقد رأى الناس من ذلك عجائب. Et ceux qui méditent, ils ont vu هذا de leurs yeux. إما sur eux-mêmes, إما sur leur entourage, sur des autres personnes. قال وقد رأى الناس من ذلك عجائب مصداقا لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Ce verset, c'est la preuve de هذا البرهان. قال عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم. On revient au premier verset, وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. Donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton intention, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton intention, c'est de t'entraider avec ton frère. N'aie pas peur. Ça ne veut pas dire qu'on donne tout. Là, on a déjà expliqué cette mas'ala. Lakin, le fait de ne rien donner et craindre la pauvreté ou j'aurai plus pour moi-même, ça c'est minash shaitan. Mais si tu donnes lillah azza wa jal, tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Wa ma anfaqtum min shay, fa huwa yukhlifuh. Plus tu donnes, plus Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. Enfin, ne pas penser à la sadaqa ou le fait de donner sur une cause que tu auras plus. Ou tu vas manquer d'argent. Si on est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoutera. Que ce soit dans l'ilm, que ce soit dans la santé, que ce soit l'argent. Dans tous les domaines, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. C'est ce hadith. On a fait une ishara au début du dars. متفق عليه. Celui qui désire, qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne beaucoup, كذلك وينسأ له في أجله, qu'il a une longue vie, فليصل رحمه. Qu'il ne coupe pas les liens de parenté. Ça nous montre quoi? Ça nous montre anna hada al-fi'l al-azim que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné, celui qui le fait, il verra dans sa vie de tous les jours les conséquences de hada al-fi'l al-azim que le Nabi sallallahu alayhi nous a informé. Ça vient d'où hada? Il n'y aurait pas de créateur. Qui c'est qui va te donner ces choses? Men. Fali hada c'est un burhan aqli azim que Allah subhanahu wa ta'ala il donne tous les jours. Il élève, il rabaisse, il guide, il égare. Il donne, il reprend, il donne la vie, il donne la mort. Tout ça, ça montre « Anna hadhihi al-ashya, c'est min tadbir al-khaliq al-azim, jalla wa ala. Qala, fa kam ahsana Allahu ala al-muhsinin, wa kam akhlafa nafaqat al-munfiqin, wa kam jabara quloub al-wasilin li arhamihim al-mushfiqin. » Et ta'ammal, depuis des millénaires, depuis l'époque d'Adam alayhi salatu wa salam, jusqu'à aujourd'hui, et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. Est-ce qu'un jour il y a eu un manquement de kada ou kada? Abadan. Sauf dans certains endroits, certains moments, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve à l'ibad avec Rubama un manquement d'eau, un manquement de. Lakin c'est les hikmah azimah. Wa illa la base, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. Il donne depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Ça montre mal, ça montre annahu, c'est le khaliq, c'est lui le créateur subhanahu. Qala wa nadhiru hadha al-burhan al-uqubat. Al-uqubat. التي يعجلها الله للباغين والقاطعين والظالمين والمجرمين بحسب جرائمهم كذلك à l'opposé de tout ce qu'on vient de citer العقوبات أي ce que certaines personnes subissent comme punition comme châtiment comme méfait que ça soit dans leur corps dans leur santé dans leur din هذا il y a des causes فلهذا قال يعجلها الله للباغين والباغين c'est الظالمين ceux qui sont injustes القاطعين c'est ceux qui coupent les liens de parenté الظالمين المجرمين المجرمين c'est les criminels qui font du mal aux autres بحسب جرائمهم chacun par rapport à ses péchés عقوبات يشاهدها الناس رأي العين tu le vois هذا tu le vois أن بعض الناس ils font du mal des injustes ils font du fasad du jour au lendemain tu le vois où sa situation elle se détériore pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il est juste il veut faire du mal aux autres il veut pas écouter il est orgueilleux Allah subhanahu wa ta'ala il le punit fi dunya dans ce bas monde avant l'akhira qala wa yataqanun an dhalik jazaa'un wa 'uqubatun li tilka al jara'im et al-'aqil il s'aperçoit directement que هذا c'est la conséquence des péchés de هذا الانسان. تأمل قوله عز وجل. On peut citer un exemple هنا. من سورة البقرة قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى il ordonne les croyants de délaisser l'usure, الربا, ce qu'ils appellent les intérêts bancaires. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Si vous ne cessez pas, al-mu'amala bil-riba, d'utiliser cette usure, ce grave péché, on va pas tout détailler ici, c'est une énorme injustice. Tout ce système bancaire qui est fondé sur al-riba, c'est de la pure injustice. Ils prennent l'argent des autres, et ils ont été la cause des endettements de pays, de personnes, la pauvreté, il a akhiri. Allah subhanahu wa ta'ala naha anil riba. وَنَهَا il nous a interdit de faire du commerce مع هؤلاء مثلا plutôt de placer notre argent plutôt dans une banque ou de profiter de ses intérêts ou d'être un témoin pendant leur contrat إلى آخره فالله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك قال فإن لم تفعلوا si vous ne cessez pas فأذنوا بحرب من الله ورسوله Allah subhanahu wa ta'ala il a déclaré la guerre à ceux qui n'arrêtent pas. On a connu et vous avez sûrement connu des personnes ta'amalu bil-riba. Wahed kana yata'amal bil-riba. Alors qu'il savait, il a été conseillé. Et il a acheté une maison. Il a acheté une voiture. Awalan pourquoi? Vous savez pourquoi? Parmi les causes, on est dans un zaman, dans une société, anna ba'd an-nas ils vivent au-dessus de leurs moyens. صحيح ان خاصه في الغرب ان اوكسيدان ils ont une conception des choses et ils font croire aux autres ان pour bien vivre tu dois forcément être propriétaire tu dois avoir ta voiture tu dois alors que c'est pas ça la cause du bonheur bien sûr que ça contribue tu as une belle maison tu as une voiture walillahil hamd النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد البيت الواسع والمركب الهني etc معروف هذا لكن celui qui n'a pas les moyens فقدر الله وما شاء فعل si il veut il fait des efforts dans le halal le muhim vu que ils nous ont habitués à cela احيانا on n'a pas les moyens de pouvoir acheter une maison ou une voiture بعض الناس ils font des crédits cette maison elle vaut 100 000 euros ils font un crédit il la paye 130 000 euros et ça lui fait beaucoup de problèmes enfin on revient à cet homme qui a fait ce crédit pour cette maison pour cette voiture il vivait au-dessus de ses moyens alors qu'il savait Wallahi, de nos yeux, on a vu. Annahu, il a perdu sa femme. Et il l'a perdu d'une façon, na'oud billah. Et en même temps, il a perdu les enfants. Thumma, il a perdu la maison. Quand il a divorcé avec la femme, elle lui a fait du mal injustement. Elle a récupéré enfants et maison. Il a tout perdu là et il continue à payer le crédit. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الإنسان يدوى فير أتنسيون. الله سبحانه وتعالى il est capable de tout. يحاربك في أهلك. Ta propre compagne, ça devient un adou. Tes enfants, tu ne les vois plus. Cette maison, tu la payes et tu ne peux pas y rentrer. هذا ça vient de quoi? Ça vient de هذه المعصية. Qui c'est qui a قدر هذا كله? C'est Allah سبحانه وتعالى. Celui qui réfléchit en se basant bien sûr sur le Coran ou le Sunna, et encore plus s'il se base sur le Coran ou le Sunna et l'Iman, ça va lui faciliter beaucoup de choses. مثلاً الذي يتأمل في هذا أولاً ça va lui faire monter son Iman. Ça va lui augmenter sa certitude. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. ثانياً par rapport à notre mas'ala, si son shaitan ou son nafs il le pousse à faire un péché, il va se rappeler de هذا. Il va se rappeler en Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. En Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de nous. Il nous voit, il nous entend. On doit faire attention. On doit faire attention à la conséquence de nos actes. Un tanbih huna, un antashara fi hadhihi al-ayyam, à notre époque, de nos jours, beaucoup de gens, ils ont conscience de هذا. Surtout par rapport à l'injustice. Quand un hadith fait une injustice, et cette injustice, elle se propage sur Internet, dans les médias. Il a arrêté. Thumma, cette personne, elle lui arrive quelque chose de mauvais. Oula, ils font pas partie de alladhina yata'ammaloun bihaq. Et ça les pousse à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Là, leur shaitan, il leur a fait croire une chose que hada, ça vient de ce qu'ils appellent le karma. Oula, ce mot, le karma, ça a une origine. Ça vient, comme qala ba'dhum, ça vient du bouddhisme, d'autres ils disent d'autres choses. Mouhim, ça fait pas partie de notre din. Lakin onduru, comme ils ont écarté les gens de cette preuve rationnelle, claire, et ils ont remplacé par autre chose. Et tu trouves, wa'dal muslimin, ils emploient ce mot. Matalan, wahad il fait une injustice. Thumma, il lui arrive un accident, ils disent, regardez, c'est le karma. Ils disent pas, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, aqaba. Thumma, ils tirent des leçons de هذا. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a châtié, il l'a puni ici-bas. Ça va les pousser à faire attention, à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à l'unifier. Et là, on fait attention. On fait attention de هذه المصيبة qui s'est propagée. Dans les réseaux sociaux, à peine il se passe quelque chose, quelqu'un a récolté les fruits. Les fruits que lui-même il a semé. فيقولون, c'est le karma. On fait attention à cette choubha. Et vous avez remarqué que Cheikh Rahimahullah, il a cité cette mas'ala, lakin il l'a lié directement au tawhid. En Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq al-razzaq, c'est lui qui gère tout subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit l'adorer. قَالَ فَمَنْ تَأَمَّلَ وَسَمِعَ الْوَقَائِعَ وَأَيَّامَ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة والسيئة علم بذلك وحدانية الله وربوبيته وكمال عدله وسعة فضله. نعم celui qui réfléchit une deuxième fois il l'a cité rahimahullah فمن تأمل وسمع الوقائع réfléchit tout ce que tu vois autour de toi كم من الظلمة. Certaines personnes, ils ont été injustes, ils ont fait du mal à certaines familles, ils leur ont pris leur argent injustement, il a arrêté. Du jour au lendemain, tu entends, Nahou, il est à l'hôpital. Du jour au lendemain, tu entends son fils, il est en prison. Tu entends, du jour au lendemain, sa fille, elle s'est sauvée de la maison. Men, aqaba, qui c'est qui châtie haoula? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu min hadhihi al-waqa'i' kama qala al-shaykh. On doit prendre des ibar. On doit pas faire comme certains ont profité, al-shamata. Parler sur leur dos et espérer que leur situation s'aggrave. Abadan. Lakin, vu que ces choses, tu entends, tu vois. Tu peux pas vivre les yeux fermés et te boucher les oreilles. Là, ces choses, tout le monde en entend parler. Anta, en tant que mu'min, tata'ammal. Et tu prends des leçons pour toi-même. Les annaka, t'es pas à l'abri. Ba'danas, kadhalik. Et ça fait partie du shur et de la mauvaise intention. Ils pensent que le mal, c'est que pour les autres. Et eux, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Hatta un jour, l'épreuve, elle vient chez eux. Et ils ont beaucoup de mal à patienter. Là, nous, on sait très bien qu'on n'est pas à l'abri. Cette personne, si elle a été éprouvée, c'est à cause de ses péchés. Nous, on sait très bien qu'on fait des péchés. Donc, on n'est pas à l'abri. Donc, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à sitr. Et on doit faire des efforts pour faire tawbah et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kamal adlihi wa sa'ata fadlihi fadlan 'an al-istidlal biha 'ala wujudihi wa wujubi wujudihi. Na'am, هذه الوقائع, ça montre quoi? Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Il a la sagesse parfaite. Et bien sûr, qawluhu fadlan, bien sûr, ça montre min babi awla, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala il existe. Qala fa inna kullama dalla 'ala shay min awsafihi wa af'alihi fa innahu yatadamman ithbat dhatihi wa wujub wujudihi. Na'am. Toutes les preuves que Cheikh il a cité dans cette risala qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, c'est lui qui gère tout, il a akhiré. Bien sûr, toutes ces preuves à chaque fois ça montre que Allah il existe. Il y en a celui qui a ses attributs parfaits, la sagesse, le fait de créer, le fait de gérer, bien sûr, il existe. Hada, c'est واضح. قال رحمه الله وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه بإيجادها وبقائها وحفظها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه. نعم, الله سبحانه وتعالى c'est le créateur de toutes choses et c'est lui qui gère toutes choses. فهذه البراهين ça fait monter l'Iman. ثم قال رحمه الله فصل تابع لما قبله. هذا الفصل il est مهم et c'est la suite du chapitre précédent. قال رحمه الله واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدا وذلك بحسب حاجة الخلق وضروراتهم إليها وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال الذي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه. في هذا الفصل رحمه الله il a cité plusieurs exemples, plusieurs témoignages, أي des personnes qui montrent avec leur raison, avec leur raisonnement, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. فَلِهَذَا قَالَ هُنَا أَنَّ الطُّرُقْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَاسِعَ. Bien sûr, tu peux pas restreindre ça. Il y a beaucoup de façons, beaucoup de manières. كما قال سيأتي معناه لي وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته الحواس والمشاعر وكل متحرك والساكن وكل حيوان وجمال أدلة وبراهين على وحدانية الله وآيات عليه. C'est pour ça qu'on a dit on peut pas restreindre هذا نحن لأن chaque chose qui se passe, chaque créature, chaque chose qui bouge ou qui ne bouge pas, tout ce que tu vois et tu ne vois pas comme créature, créature avec une âme ou sans âme, qui bouge ou qui ne bouge pas, tout ça, ça prouve, ça montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن cette chose qui existe, ça montre qu'un créateur l'a créé. فلهذا, il a cité le vers de poésie, وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي كل شيء له آية, et toute chose qui existe, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Il y en a qui c'est qui a créé ces choses, ces animaux, ces êtres humains, ces cieux, cette terre, ces montagnes, il a créé qui c'est. Toutes ces créatures, c'est une preuve qu'il y a un créateur, comme a taqaddam. قال ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان. Lakin dans ce chapitre, il va citer des exemples, des témoignages de certaines personnes. لماذا لأن les témoignages précis, bien sûr que ça reste dans le cœur. وإلا فالآن on a une règle de base. أن toutes les créatures qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est une preuve de l'existence du créateur. قال وتفهمها القلوب تفصيليا ويحصل بها النفع والفائدة العاجلة لسهولتها وبساطتها. نعم, أما le fait d'avoir des exemples في هذا, des exemples précis avec des créatures précises, لا شك أن ça reste dans le cœur, ça fait monter l'Iman. قال وكونها تدرك بالبديهة فلنذكر لها أمثلة وحكايات عن المتقدمين والعصريين وكل يفهم منها ما يناسبه ويليق بفهمه. نعم, il a cité plusieurs exemples, plusieurs témoignages que ولله الحمد, ça dépend des domaines que certains comprendront plus cet exemple, d'autres plus cet exemple. فالحمد لله, c'est un فصل طيب. قال رحمه الله, donc on commence le premier exemple. سئل بعضهم بما عرفت ربك. Ils ont demandé on verra dans l'histoire que c'est un Arabi. Ils ont demandé à un bédouin, Bima arafta rabbek. Comment tu sais que Allah il existe? Ta'lamoun anna wa'd an-nas, ils n'ont pas al-fasaha, ils n'ont pas l'éloquence, ils n'ont pas la science, ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir argumenter avec des textes, al-Qur'an ou as-Sunnah. Lakin, leur vécu, leur expérience, ils peuvent argumenter avec. Hadha al-A'rabi, ils lui ont posé la question, bima arafta rabbek. Et comment tu sais qu'Allah il existe? Montre-nous, prouve-nous. Qala فَإِنَّ الْبَعْرَ تَدُلْ عَلَى الْبَعِيرِ. Al-ba'ra, c'est les excréments de la bête. هُنَا مَثَلًا le chameau, al-ba'ir. إِنَّ الْبَعْرَ تَدُلْ عَلَى الْبَعِيرِ. Ta'ammal cette réflexion et ce raisonnement. Si tu es dans un endroit et tu vois des excréments de tel animal, مَثَلًا d'un chameau, tu sais qu'il y a un chameau. S'il y a les excréments, c'est qu'il y a le chameau. Les excréments, ils ne sont pas venus tout seuls. قَالَ فَإِنَّ الْبَعْرَ تَدُلْ عَلَى الْبَعِيرِ. تَأَمَّلُوا, vu que c'est un bédouin, ouais, c'est son domaine. Là, ils vivent avec des chameaux. Il a pris cet exemple. وَتَأَمَّلَ فِيهِ. Et il a réfléchi. قَالَ وَآثَارَ السَّيْلِ تَدُلْ عَلَى الْمَسِيرِ. Les traces que tu vois. Les traces, maintenant, un passage, une route, et tu vois des traces de pas. Ça prouve quoi? Ça prouve que quelqu'un est passé. قَالَ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا تَدُلْ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ. تَأَمَّلُوا cette conclusion. C'est pour ça qu'on doit préserver cette fitra et préserver la fitra de nos enfants. هَؤُلَا الْأَعْرَابِ, les bédouins qui vivent dans des contrées reculées, dans des montagnes, إِلَى آخِرِهِ, فِيهِمْ خَيْرٌ كَثِيرٌ. Pourquoi? Parce que l'endroit où qu'ils vivent, et ils préservent leur fitra. فلهذا إلى كونكلو قال فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أموال. C'est ce ciel, cette terre, ces océans, toutes ces étoiles, cette lune, ce soleil. قال ألا تدل على اللطيف الخبير. Tout ça prouve pas qu'il y a un créateur. Si les excréments, ça prouve qu'il y a un chameau. Si les traces de pas, ça prouve qu'il y a un être humain ou un animal qui est passé. Enfin, ce soleil, cette lune, ces étoiles, ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a un cratère, c'est pas venu tout seul. Hada al-A'rabi, walillahi alhamd, il a compris hada, et cet exemple, l'ulama, il le cite souvent. Qala, deuxième exemple, wajtama'a ta'ifatun min al-malahida bi ba'di ahli al-ilm, adhunnuhu Abu Hanifa rahimahullah. Hada taqaddam. Cette histoire, on l'a citée, nahnu, au début, min sharh al-tahawiyya. Histoire de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Donc on n'a plus qu'à lire. فَقَالُوا مَدَّلَلَتُ عَلَى وُجُودِ الصَّانِعِ. Donc هؤلاء الملاحدة, des athées, ont rencontré l'imam Abu Hanifa rahimahullah et lui ont demandé des preuves sur l'existence du créateur. فَقَالَ لَهُمْ دَعُونِي فَخَاطِرِ مَشْغُولِ بِأَمْرٍ غَرِيبٍ. Vous avez remarqué que cette histoire, l'ulama, ça dépend des livres et il la rapporte de différentes façons. بعضهم disent que c'est Abu Hanifa, d'autres disent que c'est un autre imam. Al-Muhim, l'histoire fait Avawa'il. Faqala da'ouni. Et laissez-moi réfléchir sur quelque chose de surprenant l'un. Dhuru hadi tariqa. C'est pour les attirer. Yanna ha'oula, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il dit hada? Ils lui ont demandé une chose, thumma huwa, il leur a dit, attendez, je réfléchis sur quelque chose de gharib, de surprenant. Ils lui ont dit, c'est quoi cette chose? Faqala balagani. On m'a informé. أن في دجلة سفينة عظيمة. أن في دجلة سفينة عظيمة. أي dans cet endroit il y a un énorme bateau. مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة. Ce bateau il y a beaucoup de marchandises de différentes sortes, des choses surprenantes إلى آخره. قال وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها. ثم قال لهم إلا أن ce bateau il part et il vient seul avec toute cette marchandise. قال ولا ربان يقوم عليها. Personne pour s'occuper de cette marchandise ni de ce bateau. فقالوا له مجنون انت. هؤلاء الملاحدة, les athées, ils ont dit, est-ce que tu es مجنون, est-ce que tu es fou? فقال وما ذاك. Cet imam il aura répondu, pourquoi? فقالوا هذا يصدقه عاقل. Est-ce que quelqu'un qui a la raison il va accepter ce que tu dis? Un bateau il est venu tout seul, il a akhiré. فقال لهم فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأصناف والأنواع والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتجري هذه الحوادث بغير محدث؟ Toutes ces choses, hein, votre raison à l'accepter que le soleil se lève tous les matins, il se couche tous les soirs, la lune avec les cycles lunaires, les étoiles, les océans, ces animaux qui naissent, qui meurent, ces humains, tout ça c'est venu tout seul. انظروا على على هذا الاستدلال بالعقل. قال وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك. Toutes ces choses qui bougent, elles bougent seules. Vous avez remarqué que al-haraka, al-haraka c'est le fait de bouger, d'être mobile. Ha'oula, ils n'ont pas accepté que harakatu as-safina, ça soit tout seul. Et al-aqil, c'est comme ça, une chose qui bouge, c'est que quelque chose la fait bouger. On a déjà cité l'exemple du livre, du stylo. Tu dis un athée, mathalan, ce livre, il peut se déplacer tout seul dans la chambre. Il va te dire, adala, kayfada. Tu vas lui dire, comment on fait pour le déplacer? Il va te dire, il faut qu'un de nous, il le déplace. Donc, al-haraka, l'être humain, al-aqil, il accepte qu'elle ne se fait pas seule. Faqala, al-imam, qala, wa tataharrak hadhihi al-mutaharrikat bighayri muharrik. Pourquoi vous avez accepté que toutes ces créatures, elles bougent sans que personne les fasse bouger? Si on prend l'exemple de le déplacement du soleil. فلماذا vous acceptez que le soleil se déplace tout seul? قال فرجعوا على انفسهم بالملام. نعم. Et dans d'autres riwayat, انهم ils ont pas pu répondre. فهذا مثال تقدم. On peut citer un autre exemple pour finir. وقيل لبعضهم بما عرفت ربك فقال هذه النطفة التي يلقيها الفحل في رحم الأنثى. Troisième exemple, ils ont demandé à واحد comment tu sais que Allah il existe? Il a pris cet exemple que tout le monde connaît. هذه النطفة التي يلقيها الفحل في رحم الأنثى. Ce liquide que l'homme pour l'être humain ou le mâle pour les animaux. Ce liquide qui est placé dans l'utérus de la femme. نطفة au départ c'est un liquide. قال فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها فيكون بشرا سويا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. Il a réfléchi à ce liquide au départ qui est dans l'utérus de la femme, dans cet endroit très très fragile. ثم ces étapes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ثم il sort du ventre de sa mère et il est comme قال بشرا سويا. Un être humain, un être avec des membres, il voit, il entend, il a. Au bout de quelques mois, au bout de quelques années, il parlera, il entendra, il a. Ah, ça l'a interpellé. Et là, chacun de nous, c'est un délit adhim. قال له سمع يسمع به الأصوات وبصر يبصر به المشاهدات وعقل يهتدي به إلى مصالحه. Ça, c'est des ayats adhim que nous-mêmes on possède. Lakin al-musiba qui nous a touché, qui a touché beaucoup d'entre nous, c'est al-ghafla. C'est adam ou on réfléchit pas assez, on médite pas assez. Des choses toutes simples qui font beaucoup de bien à l'être humain, on les néglige. Que ça soit pour da'wa ou pour nous-mêmes, li anna kadhalik on est concerné, nahnu. Qala وبصر يبصر به المشاهدات وعقل يهتدي به إلى مصالحه ويدان يبطش بهما ويعمل بهما الأعمال الدقيقة ورجلان يمشي بهما وأعضاء كثيرة خلقت لمنافع أخر معروفة وله منافذ يدخل منها ما يغذى البدن وما يغذي البدن ومنافذ أخر يخرج منها ما يضر. المنافذ هنا quand on mange, on fait rentrer la nourriture dans notre bouche. Thomas, cette nourriture, elle pénètre dans notre estomac et l'akhir, Thomas, elle ressort. Quand on fait nos besoins. Hadi, c'est une aïe azim. Ta'ammalu fi hadha al-khalq al-azim, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain. L'athée, al-kafir, il est étonné par certains objets, hein. Certains objets, certains robots qui se déplacent, qui... C'est ajib. Certaines choses qu'ils ont inventées, c'est ajib. Et tout ça, c'est biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a facilité à cet être humain d'atteindre ce niveau de science pour pouvoir fabriquer ces choses. Fa'a'oula, ils yata'ajjaboun de ces choses. Et ils oublient leur propre corps. Si on leur demande, Matalan, ce robot, il a été créé tout seul, il a été fabriqué tout seul. Personne n'a fait ce montage, cet assemblage, ces études, ces plans. Personne n'a rien fait, il est venu tout seul. Il va refuser. Il va dire là, qu'il va là. Enfin, comment lui, il a beaucoup plus de capacité que ce robot. Il parle, il voit, il entend, il respire, il a akhiré. Et il n'arrive pas à accepter qu'il a été créé. فنعوذ بالله من الضلال. قال وقد ركب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق على إيجاد شخص واحد على هذا الخلق المحكم العجيب لعجزت معارفهم وقدرهم عن ذلك. وهذا تقدم معنا كذلك au début du livre, on avait cité cet exemple et on avait cité certains versets. Un homme, si les êtres humains se rassemblaient tous pour créer un être humain avec ses membres, avec tous ses organes, avec le système nerveux, avec le système sanguin, avec tout ce qui est lié à l'estomac, à la respiration, à l'oxygène, au sang. Même si on qadr qui pourrait faire cet assemblage, on qadr d'un être humain, qui le fasse vivre. Il lui insuffle l'âme. Que cet être humain, il se lève et il parle et il respire et il voit, il entend comme nous, comme les autres êtres humains. Ce qu'ils arrivent à faire, et tout ça, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, et ils utilisent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fer, l'eau, etc. Ils arrivent à faire des montages, des robots, il a, c'est ce qu'ils arrivent. Et hatta, si on leur dit de fabriquer une chose sans utiliser ce que Allah il a créé, si on leur enlève que l'eau, ils ne pourront plus rien faire. Mais si on enlève l'eau, le fer, toutes les matières premières, eux, ce qu'ils font, c'est ils fabriquent certaines choses, c'est ils utilisent la matière première, ils déforment. Ils font un robot, ils font un téléphone, ils font telle chose. Dis-lui de fabriquer ce téléphone à partir de rien. Tu le mets dans une pièce où il n'y a rien. Tu lui dis, fais un téléphone. Mais ça y est, abadan. Mahada, eux, ils pensent que la création, elle est venue hakada. D'un coup, du jour au lendemain, هذا الكون العجيب اللي venu tout seul. قال رحمه الله أليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته ووحدانيته. Celui qui réfléchit الآن في خلق في خلق جسده وجسمه. Il réfléchit sur la création de lui-même. Comment Allah il a créé. On bouge, on entend, on voit. Voilà, chacun a un هذا, ça s'est pas fait tout seul. قلت أي الشيخ سعدي وقد ذكر الله هذه أو هذا البرهان في كتابه في أساليب متنوعة. نعم تقدم معنا من سورة فيما أذكر المؤمنون كذلك من سورة نوح عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تأمل سيفيرسي أو سيفيرسي. نعم pourquoi بعض الناس ils ne craignent pas Allah, ils ne se soumettent pas. تأمل البرهان que Allah سبحانه وتعالى il a cité dans le Coran. Un برهان عقلي. Et la raison, elle l'accepte. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Il vous a créé toutes ces étapes à partir d'un liquide. ثم نعم نطفة مضغة علقة etc. ثم Allah سبحانه وتعالى il a insufflé l'âme. ثم cet être humain il a pris forme. ثم il naît. ثم il parle. Il respire. Il a akhiré. Et il ne veut pas adorer Allah Azza wa Jal. Enfin, c'est pour ça que beaucoup dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité هذا البرهان. En prenant comme exemple, تقدم معنا la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait revivre la terre avec la pluie, كذلك la création de l'être humain, et d'autres exemples que Sheikh Saadi l'a cité, ou qu'on verra ensemble, Inch'Allah ta'ala. نكتفي بهذا pour ce درس. Et à partir de demain, on essaiera de faire la muhadara qu'on avait dit, la kalima qu'on avait dit ensemble. Donc demain, normalement, on ne fera pas at-taqrib, dars at-taqrib, taqrib at-tadmouriya. On repousse à mardi, inshallah. Et demain, on essaiera de faire cette kalima. Essayer de résumer ma taqaddam de Sheikh Saadi, rahimahullah, en s'appuyant sur kalam al-imam ibn al-qayyim. من مفتاح دار السعادة. Il a cité des barahin aqliya, des arguments rationnels sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala en citant des exemples sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. les animaux, les êtres humains et autres. Matalan, il cite l'exemple, tel animal, il fait telle chose, il fait telle chose, il fait telle chose, des choses adibes. Vous allez voir que beaucoup de choses on ignore, nous. C'est pour ça que ce livre, il est tayyib, Miftah Dar al-Sa'ada. Et hada, là, je sais que ça fait monter l'iman et ça prouve que Allah, il existe. Et on répète, hada, c'est très, très profitable pour ceux qui désirent faire da'wah, surtout à leurs proches qui ne croient pas. Hadith al-Barahin, c'est tayyib, leur montrer, awwalan, l'existence d'Allah, il y en a environ une époque. C'est devenu, iyadam billah, des malahides. Contrairement aux juifs, aux chrétiens, yu'minuna billah, ils croient au créateur et à l'akhirah. Peut-être que tu auras une autre démarche au départ. Leur montrer que le prophète, c'est la vérité, que le Coran, c'est la vérité, que Allah, il n'a pas d'enfant, il a akhirah. Les athées, c'est une autre démarche. Aslan wa awlan, il faut leur montrer que Allah, il existe. Thomas, s'ils acceptent, on arrive à l'objectif principal, tawhid Allah subhanahu wa ta'ala fil ibada, wa tawhid al-rasul sallallahu alayhi wa sallam fil ittiba'. Aïe, le sens des deux shahadas, ce qu'elles impliquent. Enfin, on essaiera demain. Si on n'arrive pas, on a un manque de temps ou autre chose, à la kulli hal, on continuera notre dars dans al-taqrib et dans hadihi ar-risala. Laquelle l'intention qu'on a, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tawfir, c'est de faire cette kalima. On passe à la troisième partie, on essaye de lire une fatwa. Inch'Allah.